La prose du slam, un couteau sans lame qui déchire les âmes et fait baisser les armes. Un art du tournoi, quoiqu'un royaume de « Ah non, pas moi !» Qu'on évite son remords à quiconque on demande « T'en veux encore ?» À contre-cœur, il accepte, mais dans des tierces, il s'endort. Nous, on impose nos talents. Sur ces publics, c'est trop lent. Ils nous tournent les talons, mais nous, on vise les talons. Dans un jour ou un temps long, nos travaux aboutiront. Et de par ça, on aura un rang. Ils se demandent pourquoi les phrases parlent hip-hop. Je leur dis que les lignes s'attracent, dans les fonds, ça mène au top. Le slam, cheval des courses et d'éloquence. Contre la timidité, t'as un billet pour les vacances. Offre-toi le temps de kiffer les mots. S'il dégoût vient, joue à celui qui fait les morts. Écoute dans les calmes sont erratés. Appréhende chaque ligne sans hésiter. Sûrement que l'océan de tes blêmes sera déshydraté. Et si je le fais en a cappella, c'est pas pour rien quand la passion m'appella. C'était juste moi, ça et là, juste moi sans rien. C'est mon sac à dos tout plein de paroles, de l'amour, de larmes, enfoui dans l'amalgame des douleurs, des douceurs et tu ris au calme. C'est cela la force de ce que l'on appelle l'islam. De par cette force que l'incarne, j'observe le monde de ma licarne. Sans pousse à te dire pourquoi je change les termes de sens interne alors. Je dois te dire pourquoi dans mes slams il y a toujours la question pourquoi. Je dois te dire pourquoi en Afrique les femmes ne montent jamais sur les toits. Je vais te dire pourquoi je l'interpelle pas lui mais seulement toi. Je vais te dire pourquoi cette terre c'est une jungle et n'a pas de loi. Je vais te dire pourquoi la politique en Afrique est merdique. Je vais crier pourquoi après ces slams je serai un ennemi public. Je vais te dire pourquoi nous voulons abandonner nos terres pour aller en Europe. Je vais te révéler pourquoi à cause du pétrole il y aura plus de monde arabe. Pourquoi j'adore les slams plutôt que les rap. Pourquoi l'Africaine veut se comporter en Amérique. Elle laisse tomber sa bonne culture pour s'habiller en Britney Spears. Je vais te dire encore pourquoi à cause de l'or les Congolais m'aient à tort. T'agites pas trop car je vais te dire pourquoi notre sera tous c'est la mort. Pourquoi notre sera tous c'est la mort. Eh ben ouais, ça je vais bien te le dire. Je vais vous dire pourquoi les gens me regardent et se demandent mais il est fou quoi. Je vais vous raconter l'histoire d'un peuple et la souffrance de nos mamans. Vous êtes au pied des cuffets ces slams, mais vous méditerez pour un moment. Les pensées sous terre et les yeux dans les firmaments. Quand les questions pourquoi auraient changé en comment, vous verrez que la gérance de la planète s'est logée dans les coffres des gens bêtes et malhonnêtes. Je voulais aussi vous dire que...